14-13. Observation. Dire. Est-ce que tu lis? Qui, moi? Je ne dis rien. Dis quelque chose. Pourquoi? Je n'ai rien à dire. Il n'y a pas de ce métier, comme dit Tante Georgette. Qu'est-ce que Tante Georgette dit? Elle dit qu'il n'y a pas de ce métier, que tous les métiers sont honorables. Oui, oui, je veux bien vous permettre de m'accompagner, comme vous dites. On ne dit pas ça? On ne peut pas dire ça? Ça ne se dit pas? Si, si, on dit ça. C'est très correct, mais c'est un peu cérémonieux. Vous êtes sympa, je veux dire sympathique. Sympa, ça veut dire sympathique? Ben, oui. Et pétaloslic, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Dire? Je dis, tu dis, il dit. Nous disons, vous dites, ils disent. Comparez. Dire, vous dites. Faire, vous faites. Être, vous êtes.